vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre sur le thème des planètes avec Valérie qui nous a fait une recension d'un livre récemment paru aux éditions Multimonde. Oui, donc c'est un livre qui s'intitule « Chasseurs de planètes ». Il est écrit par François Rotten. C'est un Rotten, je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est un physicien suisse de l'Université de Lausanne qui travaille sur la supraconductivité. Il a pris sa retraite en 2001 pour entamer une deuxième carrière d'écrivain en vulgarisation scientifique. Donc, le titre du livre « Chasseurs de planètes » exprime très bien le sujet du livre. Il est question des astronomes de jadis et d'aujourd'hui qui scrutent le ciel pour découvrir les planètes. Donc, il s'agit autant des planètes du système solaire que des exoplanètes. C'est ça, exactement. Une bonne partie du livre retrace l'épopée de la découverte des planètes du système solaire. Je dis épopée parce qu'effectivement, c'est écrit comme une aventure scientifique, ce qui rend la lecture assez captivante. Donc, l'auteur nous situe dans le contexte scientifique de l'époque avec les méthodes d'observation et éventuellement même les querelles entre astronomes. Alors, des fois, c'est assez pétillant. On apprend, par exemple, que William Herschel, avant d'être astronome, était musicien et que pour découvrir Uranus, il a travaillé avec sa sœur qui était cantatrice, mais a laissé tomber le chant pour se consacrer avec son frère à l'astronomie. On apprend aussi que si Urbain Le Verrier a bel et bien déduit la position de Neptune par les calculs, il n'était pas le seul à l'avoir fait. Le Britannique John Adams l'a fait avant lui, mais pour différentes raisons qui sont toutes racontées dans le livre, eh bien, l'astronome royal n'a pas voulu écouter ce jeune John Adams. Et quand Le Verrier, indépendamment, a refait le même calcul, il a demandé à l'astronome allemand Johann Gottfried Gall de tourner son télescope vers l'endroit indiqué et il a découvert Neptune. En fait, c'est très intéressant. Oui, il y a plein d'anecdotes de ce genre-là, ça se lit très bien. Et on voit que ce sont des humains, malgré tout. Exactement, oui. Alors, et la découverte, pour la découverte des exoplanètes, est-ce que François Rotten ou Rotten fait aussi une narration sous forme d'aventure? Oui, mais par contre, elle se limite surtout à la découverte de la première exoplanète en 1994 par Michel Major et Didier Queloz. Ensuite, il décrit brièvement les différentes méthodes de détection, mais j'avoue que là, je suis restée un peu sur ma faim sur les chasseurs d'exoplanètes. Bon, les méthodes du transit, de vitesse radiale sont succinctement décrites, mais on ne parle pas beaucoup de l'évolution des techniques d'observation qui ont pourtant se sont affinées depuis 1994. Par contre, le livre aborde un autre point soulevé par la quête des exoplanètes, et on l'a bien vu avec les planètes autour de TRAPPIST-1, c'est la question de la vie dans l'univers. Donc, à côté des chasseurs de planètes, il y a, disons, des chasseurs de vie, donc des gens qui auscultent le ciel pour détecter des indices de vie, par exemple avec le programme SETI. Donc, en même temps, le livre aborde la question de à quoi pourrait bien ressembler la vie ailleurs que sur Terre. Donc, finalement, somme toute, j'ai trouvé que le livre se lit facilement. Il y a des explications techniques, parfois, qui sont dans des encadrés, mais qui peuvent être sautées sans nuire à la compréhension générale. Si on les trouve trop compliquées. Voilà, exactement. Parce qu'on s'aborde aussi les ondes gravitationnelles, il y a toutes sortes de choses, les pulsars. Donc, il y a des encadrés, on peut passer par-dessus. Et puis, même les chapitres se lisent indépendamment, parce que finalement, la quête des exoplanètes n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de la découverte des planètes du système solaire. Donc, on peut même lire un chapitre ici et là. Alors, donc, ça se lit très bien. C'est un livre très intéressant. Donc, merci Valérie pour cette analyse. Alors, on va revenir sur Terre, François, car il y a très très longtemps, sur notre propre planète, il y a 4,3 milliards d'années, la Terre abritait déjà des formes de vie. Et donc, tu nous rapportes cette découverte des plus anciennes formes de vie connues dans le nord du Québec. Oui, Valérie, alors cette nouvelle a fait les manchettes dans tous les médias hier, alors que la nouvelle a paru officiellement aujourd'hui dans la version du 2 mars 2007 dans la revue Nature. Alors, une équipe de chercheurs internationaux dans laquelle se trouve un Canadien, le docteur Jonathan O'Neill de l'Université d'Ottawa, ont découvert des structures particulières, dans des roches du nord du Québec. Ces structures ressembleraient à des micro-organismes fossilisés qui dateraient probablement de 4,3 milliards d'années. Alors, si la ressemblance se confirme, c'est-à-dire si les chercheurs réussissent à prouver que ce sont des micro-organismes fossilisés, alors ces tubes et ces filaments microscopiques seront donc les plus anciens microfossiles découverts à ce jour et constitueront le témoignage le plus ancien de l'apparition de la vie sur Terre. Et cette découverte a eu lieu dans les pierres de la ceinture des roches vertes du Nouveau-Agitouk, qui est situé sur la côte est de la baie du Son au Nunavik. En fait, les microfossiles étaient enfouis dans des couches de quartz du site géologique de la ceinture verte. Je veux juste revenir, tu as parlé de Jonathan O'Neill, mais il y a aussi un Québécois, Dominique Papineau, mais qui est, lui, au Collège universitaire de Londres. Effectivement, j'ai vu dans les lectures que j'ai fait son nom, sauf que j'ai pensé que c'était un Québécois, sauf que c'était spécifié nulle part. Mais je suis content que tu le dises. Oui, je pense qu'il faut fasse partie de l'équipe, effectivement. Ouais. Donc, revenons-en à cette découverte. Mais dis-moi, il y avait aussi une découverte semblable au Groenland l'été dernier, si je me souviens bien. Oui, en fait, un certain Martin J. Van Cranendonck de l'Université du New South Wales en Australie avait rapporté en août dernier la découverte de stromatolites au Groenland. Alors, les stromatolites, ce sont des structures sédimentaires attribuées à une activité particulière de colonies bactériennes. Mais les nouveaux microfossiles du Nunavik dépasseraient par leur âge les 3,7 milliards d'années qui avaient été attribuées aux stromatolites retrouvés au Groenland. D'accord. Et qui étaient considérées à ce moment-là comme la plus ancienne forme de vie jamais découverte. Donc, si on en revient à la découverte au Nunavik, quelle est la portée d'une telle découverte? Alors, on sait que la vie sur Terre est née dans les océans. En fait, c'est presque une certitude. La découverte de ces structures particulières au Nunavik offre de nouveaux indices pour mieux comprendre les conditions de l'apparition de la vie. Alors, selon Matthew Dodd, qui est le premier signataire de l'étude et qui est affilié au University College de Londres au Royaume-Uni, alors cette découverte renforce l'idée selon laquelle la vie a émergé des sources hydrothermales chaudes au fond des océans peu de temps après la formation de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années. Alors, cette apparition rapide concorde également avec d'autres indices, comme la découverte récente des formations sédimentaires, vieilles de 3,7 milliards d'années, qui auraient été créées par des micro-organismes. Alors, toujours selon lui, ses travaux montrent que la vie s'est développée sur notre planète à un moment où Mars et la Terre auraient eu de l'eau liquide à leur surface. Et par conséquent, nous nous attendons à trouver des preuves de vie passée sur Mars il y a 4 milliards d'années. Peut-être qu'on ne s'attend pas, mais qu'on peut y penser. S'il y en a eu sur la Terre, il pourrait y en avoir sur Mars. C'est ça, il faut rester, je pense, au conditionnel. Tout à fait, oui. Bon, alors, à moins, par contre, que la Terre soit une exception, là. Alors, le Canadien Jonathan O'Neill, pour sa part, affirme qu'une meilleure compréhension de l'environnement des premiers instants de la vie sur Terre pourrait aussi nous aider à élucider la question de la vie sur d'autres planètes comme Mars. Oui, exactement. Mais est-ce que des chercheurs se sont montrés sceptiques relativement à cette découverte? Je me souviens, justement, en parlant de Mars, qu'on avait à un moment donné une certaine météorite martienne atterrir sur Terre qui montrait des espèces de filaments qui étaient de la vie martienne, puis finalement, ça n'en était pas. Ça n'en était pas. Donc, est-ce que là, tout le monde est d'accord? Non, effectivement. Il y a certains chercheurs qui ne sont pas convaincus par cette découverte. Ils croient que les structures découvertes pourraient être des microlithes issus d'un refroidissement rapide du magma terrestre, ce qui ne permettrait pas d'exclure une origine volcanique. D'accord. Et bon, là, c'est quand même des formes de vie possibles formes de vie très, très vieilles, mais est-ce qu'on pourrait en trouver des encore plus vieilles? La question a été posée à Pascal Philippot de l'Institut de physique du globe de Paris, et il pense que ce n'est pas impossible que la fonte des glaces liées au réchauffement climatique dégage des roches encore plus anciennes, comme cela a été le cas au Groenland. Donc, lui, évidemment, il pense que c'est possible. Alors, c'est certain qu'il y a d'autres pistes à exploiter, par exemple la planète Mars, qui a déjà été baignée par des océans et dont certains ont aussi 4 milliards d'années. Alors, ces roches pourraient être analysées par des sondes spatiales. La planète Mars aurait pu voir naître une vie parallèle à celle apparue sur Terre. Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être qu'on aura la réponse un jour. Effectivement. On va envoyer quelqu'un là-bas. Merci François d'avoir fait le point sur cette découverte qui est quand même assez fascinante. Ça fait plaisir.